Sur Canal Sud, vous écoutez La Centrifugeuse et c'est l'émission 371 qui commence maintenant. Qui vient d'entamer cette première émission de l'année, s'appelle Totally Unicorn, c'est un quatuor, ils viennent d'Australie, de Nouvelle-Galles du Sud, un petit bled qui s'appelle Wollongong, c'est leur troisième album depuis 2010, ils sont amenés par un charismatique chanteur nommé Drew Garner. L'album s'appelle High Spirit Low Life, le morceau qu'on avait écouté s'appelle Friends. Voilà, et sinon l'album donc c'est de la noise hardcore, plutôt rude, très mouvementé, très énergique, ça frappe bien, il y a des variations de rythme assez brutales mais toujours maîtrisées, et une science incontestable de la mélodie, voilà, sans compter un petit humour au second degré. Sinon, je vous souhaite une excellente année 2023, pleine d'excellentes découvertes et de très beaux concerts. Voilà, pour ce qui nous concerne, on va l'entamer avec une petite séquence noise, une séquence gothique, une séquence plus électronique, des choses un petit peu plus soul, de la pop quasi parfaite, un second album de la semaine, des choses pop folk, du slowcore, et on terminera par des choses un petit peu psychédéliques, atmosphériques. Voilà, donc on commence de suite par le premier album de la semaine qui est de la noise. C'est signé Gilles Labande, groupe qui s'appelait auparavant Girl Band. Ils ont changé de nom en 2021, soi-disant, car le patronyme était trop genré, Girls Band, surtout pour un groupe dans lequel il n'y avait pas une seule fille. Et paraît-il, pouvait avoir propagé une culture de la non-inclusivité. Voilà, comprenne qui pourra. En tout cas, voilà, c'est un quatuor assez barré, amené par le très très dérangé Diarra Kelly, dans lequel figure également le guitariste Alan Dugan, le bassiste Daniel Fox, et le batteur Adam Faulkner. Donc, et une sortie chez Rooftrave, donc ce troisième album, Most Normal, qui n'est pas beaucoup plus normal que les précédents, puisque leur grosse caractéristique à Girl Band, c'est de faire une noise un petit peu de malade mental, on va dire, hein. C'est quelque chose dans lequel qui est complètement déséquilibré. C'est de la musique expérimentale totalement brutiste, tout en folie, en intensité. Il y a un son métallique assez abrasif, entrecoupé de parasites radio, de hurlements hystériques du chanteur. C'est curieux, c'est assez malaisant, un peu anxiogène, totalement incontrôlable. En tout cas, c'est véritablement de l'art brut sous format musical qui transcrit les problèmes mentaux donc de leur chanteur, les problèmes mentaux avérés de leur chanteur Dara Kelly. Voilà, donc on va écouter deux morceaux. Le premier s'appelle I Was Away et le second s'appelle The Words. Donc, Gil La Band, anciennement Girl Band, c'est parti. They all want their own bed. Three different Voilà, donc à l'instant, vous avez écouté le morceau The Words, donc second extrait, notre premier album de la semaine, l'excellent Most Normal de Gigi Laband, qui n'a pas grand-chose de normal, vous l'aurez compris. Voilà, sinon à signaler aussi sur cet album, que ça vaut vraiment le coup de l'écouter au casque, il y a un travail très impressionnant, je trouve, sur le son, une grande richesse sonore. On poursuit avec une séquence un petit peu plus gothique, on va dire. On commence avec la collaboration entre King Dude et Der Blurarch. La collaboration s'appelle Black Rider on the Storm. C'est un album, leur première collaboration. Donc King Dude, c'est quelqu'un qui fait du dark folk, qui s'appelle Thomas Jefferson Cogill, un Américain. Der Blurarch, c'était le projet du défunt et regretté Albin Julius, l'Autrichien qui est mort l'année dernière, hélas. Voilà, c'est un album donc qui alterne entre rock sombre et dark folk et rock gothique aussi, qui alterne morceaux instrumentaux et morceaux chantés avec une voix assez grave. C'est un bel album, un bel effort, et sans doute une des dernières choses qu'a fait Albin Julius donc avant de mourir. Voilà, donc ce sera une petite forme dommage qu'on lui rend. Donc le morceau qu'on va passer s'appelle All I See Is You. Yeah. Juste après King Dude et Darburach, on a pu écouter toujours dans un type un peu gothique, même si nettement moins rock, l'excellente Karin Park, la suédoise, tirée son 8e album, Private Collection. Alors on l'avait passé il n'y a pas longtemps, Karin Park, et je vous avais raconté qu'elle s'était achetée un presbytère dans les bois suédois dont elle se sert de studio d'enregistrement, et a essayé de s'en servir pour enregistrer 9 morceaux, ses 9 morceaux préférés sur l'ensemble de sa carrière, déjà assez longue, puis c'est son 8e album depuis... depuis 2007-2008, je crois. Voilà, donc elle les a réenregistrés en compagnie de quelques invités, dont son mari, qui est Ilnen Hermes, aux guitares, mari avec qui elle forme le groupe Arabrot, Andrew Lies d'un Ursuit Zwound au synthé et Benedetta Simeone au violoncelle. Voilà, c'est des versions réinventées avec un tempo ralenti et plus d'atmosphère. Il y a vraiment de très jolies choses là-dessus. On poursuit avec une séquence plus électronique, on va dire, et on commence par Monolithe Noir. Monolithe Noir qui est le français Antoine Pasqualini qui vit actuellement en Bretagne. Donc il a sorti son 3e album, Rin. Donc c'est quelqu'un qui a le de synthé modulaire, navigue entre techno, IDM et electronica, mais sur cet album là il s'adjoint les services d'un comparse, Yannick Dupont, qui l'a peut-être amené vers des territoires plus krautrock et post-rock, même s'il y a toujours pas mal d'électronique dedans. Et voilà, avec ensemble ils partent motifs simples sur chaque morceau et procèdent ensuite par accumulation de couches. Ça crée des ambiances assez claustrophobes et cafardeuses. On peut penser un peu à Bic, le groupe de Geoff Barrow de Portishead, ou à Oiseau Tempête. En tout cas, ça vaut le coup d'oreille. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Balafem. Donc Monolithe Noir, c'est parti. Thank you. Control A, Control X. Control A. juste après Monolithe Noir, on est resté dans de l'électronique, mais sous un format bien plus classique, puisqu'on vient d'écouter donc le fameux duo de Norvège, de Tromsø en Norvège, Røyksopp, donc duo formé par Svein Berge et Torbjørn Brundtland, duo qui s'était fait connaître en 2001 avec leur fameux album Melody AM, sur lequel se trouvait un fameux tube nommé Pour Lino. Voilà, ensuite ils ont fait 5 albums jusqu'en 2014, et puis il n'y avait plus rien, on les pensait dissous, mais non, ils sont revenus, ils n'ont pas fait semblant même, puis cette année 2022, là, l'année 2022, ils ont sorti 3 albums, une série d'albums, en fait, une série appelée Profound Mysteries. Là, on vient d'écouter un extrait de l'album Profound Mysteries 2, puisqu'il y a Profound Mysteries 1, 2 et 3. L'extrait s'appelle Control, voilà. Et comme d'habitude, donc, ils sont entre chillout, down tempo ou c'est trip-hop. Le tout, ça va matiner de pop et de nombreuses collaborations vocales. On se souvient de leur collaboration vocale avec Erland Doy ou Robin. Et bien là, ils en font avec Suzanne Sonfort, Astrid Smeplas, Pix, alias Anna Rogers ou Karen Harding. Voilà, et c'est sorti sur le label Doc Triumph. On poursuit avec des choses plus soul et on commence par un premier album signé d'un trio de San Diego nommé The Sacred Souls. Donc, c'est produit par Bosco Mann, alias Gabriel Roth, co-founder du fameux label Dapton. C'est un groupe qui s'est fait connaître sur YouTube, qui a ramené pas mal de fans, dont les Black Pumas, Princess Nokia ou Timbaland. Pour les plus connus de leurs fans, donc ils ont eu beaucoup de vues sur YouTube, et donc ils sortent ce premier album là, tout en pur soul, tout en harmonie vocale et slow tempo. Il y a 12 compos de 3 minutes 30 max la compo, des caisses claires, des lignes de basse en avant, des guitares élégamment retenues, laissant l'espace à la voix de contralto de Josh Lane. Voilà, tout ça est lascif, indolent, voluptueux et plutôt sexy. Le morceau qu'on va écouter s'appelle Weak for You. Lady, Voilà, après The Sacred Soul, on a pu écouter Drug Dealer, donc morceau Pictures of You tiré de l'album Hiding in Plain Sight. Donc c'est le projet d'un certain Michael Collins qui avait sorti en 2019 un album qui a donné une certaine renommée, qui était l'album s'appelle ben, Rohone. Il figurait notamment... dans les invités, Waste Blood, le morceau avait eu pas mal de succès à l'époque, un morceau chanté par Waste Blood là-dessus. Voilà, donc là c'est sorti chez Mexican Summer, on est entre pop soul, soft pop, R&B suave, avec base de piano un peu funky, des chœurs, souvent des voix doublées un peu à l'ancienne. Et des guitares virtuoses qui brodent autour de mélodies et de lignes de basse assez irrésistibles, c'est bien fait. Donc il y a des invités comme Tim Presley, le chanteur de White Fence, également du excellent duo Drunks qu'il forme avec Kate LeBone, Bambina, Sedona ou Sean Nicholas Savage, et sur ce morceau-là c'était Kate Bollinger qui chantait. On poursuit dans la pop avec le second album de la semaine, qui est un tout petit album qui s'appelle My Dread et qui est réalisé par Boyhood, alias Kaylee Runcinan, une chanteuse qui vient de l'Ontario, qui est membre de Blue Angel. C'est son quatrième album depuis 2011. C'est très court, donc c'est pour ça que j'ai dit un tout petit album. Il y a 8 morceaux, il y a à peine 27 minutes de musique. Mais c'est excellent, quoi. C'est un élégant mélange de new wave, de dub, de lofi et d'une pop désuète qui transforme chaque titre de l'album en classique quasi instantané. Voilà, c'est chanté, le tout chanté d'une superbe voix à la fois grave et fragile, légèrement détachée. ce qui donne une certaine idée de la pop quasi parfaite. Donc on va écouter un morceau, Stroke It et A New Boyhood, c'est parti. See it. On vient d'écouter le morceau « And You » de Boywood. Un indéniable sens de l'écriture pop, on va dire. On poursuit avec une séquence un petit peu pop-folk qu'on entame de suite avec Plains. Donc Plains, c'est leur premier album, mais ce ne sont pas des novices. Donc c'est un super groupe formé par Jess Williamson, qu'on a souvent entendu ici, un solo et quatre. Crutchfield, plus connu sous le nom de Waxahachies, qui est régulièrement passé ici également. Voilà, se sont rencontrés, ça a matché, ils ont essayé de prendre leur route ensemble, et c'est justement un album qui fleure bon la route. Plein d'atmosphère, de soleil couchant du sud-américain, de grandes plaines, tout est baigné dans la country, les grandes figures tutélaires de l'album seraient Loretta Lynn, Lucinda Williams ou The Chicks également. Voilà, le morceau qu'on va écouter s'appelle Bella Fatima. Her face red like a carolina. She was strong as that old gypsum weed. And though she could dance like a blind beggar's head, just waiting for someone to see. She spoke like a hard night in Beaumont, carried on like the old Sawanee. And she came along like a ravenous song, so hungry for someone to sing. The days turn like cowards so swiftly to the hour of need. And I'll slip through your hands like a boy born with no name. Her eyes, they were set like a cannon, and boy, they'd blow you away. She'd cross your mind like a cheap box of wine, where each sip's like a track switch and train. She swore like a dry county welder. She's pry on the side seldom seen. And she could make love like Augusta Road and just buckle like the bends in a creek. The days turn like cowards so swiftly to the hour of need. And I'll be a martyr to whatever your heartache will lead. And I'll slip through your hands like a boy born with no name. No. suivant Plains, on a écouté Neyma Bock. Donc, on est parti des États-Unis vers l'Angleterre, puisque Neyma Bock est l'ancienne bassiste du groupe anglais God Girl, qu'elle a quitté en 2019 pour faire ce premier album solo. Alors, elle l'a quitté pas pour faire cet album, en fait, elle l'a quitté pour ouvrir un magasin de jardinage et reprendre des études d'archéologie, je crois. Voilà, entre temps elle a rencontré un certain Joel Burton qui lui a donné sa passion du folk, puisque God Girl c'est pas du tout du folk, c'est plutôt du rock, on va dire. C'est un girl band assez rock, et donc l'a poussé à faire cet album qui s'appelle Gent Palm, qui est entre folktronica, balkan music et folk, quelque part un peu entre Aldous Harding, Matt Elliott et Broadcast. Voilà, c'est des compositions immersives et introspectives. Il y a également un peu une influence de Beyrouth, on sent de temps en temps des influences brésiliennes, puisqu'elle est, à moitié brésilienne, Neyma Bock, de son père. Voilà, c'est un très bel album. Très bel album, on va continuer sur un très bel album aussi, puisqu'il s'agit de Together de Duster, qui est notre troisième et dernier album de la semaine. C'est un duo qui nous vient de San Jose en Californie, duo formé de Clay Parton et de Canavan Dove. Avant c'était un trio, puisqu'ils incorporaient également Jason Albertini. Alors ils sont tous multi-instrumentistes sur le groupe. Et au niveau musical, donc, c'est du slowcore qui a eu son heure de gloire à la fin des années 90, puisqu'ils avaient sorti deux albums à la fin des années 90, Stratosphere en 98 et Contemporary Movement en 2000. Et ils se sont reformés en 2019 avec un album éponyme, donc Duster. Voilà. Donc c'est entre sadcore, shoegaze et slowcore, c'est surtout le slowcore qui domine. Il y a un chant à tonnes, des cadences lentes, des instrumentations assez étouffées, une électricité totalement contenue, minimalisme permanent. Voilà, c'est des paysages sonores assez sensoriels, remplis de contrastes et de mélodies touchantes, d'intériorisation et de quelques fulgurances. On va écouter deux morceaux. Le premier s'appelle Tiss et le second s'appelle Familiar Field. Duster, c'est parti. Thank you. Donc, à l'instant, c'était le morceau Familiar Fields, second extrait de notre troisième album de la semaine, signé Duster. Donc, pour se quitter, comme souvent, on va écouter la musique assez calme, avec The Utopia Strong, qui est un trio qui nous vient d'Angleterre, trio formé de Steve Davis, Crovis Torabi, qu'on connaît pour appartenir au fameux groupe Gong, et Michael J. York, qui appartient au groupe Coil. C'est leur cinquième album sous le nom Utopia Strong, donc l'album s'appelle International Treasure. C'est de la musique psychédélique, apaisante, pleine d'atmosphère, propice à la méditation. Voilà, le morceau qu'on a écouté s'appelle Schaefer Death. Donc, je vous renouvelle mes voeux d'excellente année. Ne vous laissez pas abattre cette année. Continuez à sortir, à soutenir les artistes, ils en ont besoin. Bref, beaucoup de musique pour cette année 2023. Et donc, je vous laisse avec The Utopia Strong, Schaefer Death, et je vous dis à dans 15 jours.